Chapitre 12. Des divisions de la tragédie, quant à son étendue. On a vu ci-devant quelles sont les parties de la tragédie qui la constituent dans ses espèces. Celles qui constituent son étendue, et dans lesquelles on la divise, sont le prologue, l'épisode, l'exode et le chœur. Et dans le chœur, l'entrée, le chœur restant en place. Voilà ce qui est de toute tragédie. Mais ce qui n'appartient qu'à quelques-unes, ce sont les lamentations que le chœur partage avec les acteurs. Le prologue est tout ce qui précède l'entrée du chœur. L'épisode est ce qui est entre les chants du chœur. L'exode est toute la partie qui est après la sortie du chœur. Dans le chœur, il y a le chœur entrant, lorsque tout le chœur commence à parler et à s'unir à l'action, le chœur restant en place, lorsque le chant du chœur est sans anapeste et sans trochée. La lamentation, lorsque le chœur gémit et se plaint, avec les acteurs. Voilà les parties de la tragédie quant à leur nombre et à leur étendue. On a parlé précédemment de celles qui la constituent dans son espèce.